Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Né en 1937, agrégé de philosophie, sociologue, Daniel Defer, qui fut pendant 20 ans le compagnon de Michel Foucault, c'est plus de 60 années d'engagement politique. En 2014, à l'occasion des 30 ans de l'association AIDE, qu'il a fondée et longtemps présidée, sortait « Une vie politique », un livre d'entretien avec Philippe Artière et Éric Favreau, qui s'ouvrait sur cette première réponse de Daniel Defer. Bien que sociologue, je verrais ma vie d'abord liée à des événements plutôt qu'articulée à des déterminants sociaux au sens strict. Ces événements, la guerre d'Algérie, ma rencontre avec Foucault, ainsi que l'ascèse et l'aventure intellectuelle que j'ai, sinon partagée, du moins vécue auprès de lui, 68 et les années qui suivirent, avec les prisons, la mort de Foucault et la confrontation avec le sida. De ces épisodes, je me sens plus témoin qu'acteur. En 2000, dans Continent Science, Stéphane Delis-Georges recevait Daniel Defer. Il revenait avec lui sur l'histoire de la naissance de l'association AIDE, sur l'évolution de la lutte contre le sida et le bilan qui pouvait être fait au début du XXIe siècle sur tous les fronts du combat contre cette maladie. Continent Science aujourd'hui du côté des malades avec Daniel Defer, fondateur de l'association AIDE. C'est rare quelqu'un d'unique. C'est rare quelqu'un qui a marqué et qui marque l'histoire collective d'une société. Et c'est d'autant plus rare quand cette personne a surtout donné la parole aux autres, ou plus exactement, a participé à la création d'un espace où a pu se construire une parole collective. Daniel Defer est un intellectuel engagé, bien sûr, sociologue de formation. En décembre 1984, peu après la mort de son compagnon, le philosophe Michel Foucault, il a créé l'association AIDE, qui allait devenir non seulement la plus importante association de lutte contre le sida, mais surtout, qui allait être à l'origine d'un des événements majeurs de santé publique de ces 50 dernières années, avec l'émergence du malade comme réformateur social. C'est le malade qui parle, c'est le malade qui sort du silence, c'est le malade surtout qui transforme le rapport de la société avec la maladie. Tout cela ne sont que des mots, mais rarement des mots n'auront été autant chargés de sens. Daniel Defer, bonjour. Bonjour Éric Favreau. Nous allons, pendant là une heure, un peu décrire le cours de l'épidémie de sida, ainsi que votre parcours, mais aussi comment les deux ont été très étroitement mêlés. Mais peut-être, par simplicité, commençons un peu par la fin et aujourd'hui, en tout cas bizarrement, par un drôle d'effet de circonstance, dans une demi-heure, une heure à peine, je crois, l'ONU SIDA et tous les grands laboratoires pharmaceutiques vont annoncer une forte baisse des prix des médicaments à destination des pays du tiers-monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la situation autour de l'épidémie est contrôlée ? Ah non, elle n'est contrôlée, je dirais, presque nulle part. Même en France, on n'a même pas d'épidémiologie de la situation présente. Mais ONU SIDA se réunit pour la situation dans les pays en développement, qui est absolument, qui a été laissée sans contrôle, alors qu'on annonçait depuis 87, enfin quand Jonathan Mann est devenu responsable du programme mondial de l'OMS, il a annoncé, il a mis en place les premiers 100 programmes nationaux, et en 2000, on voit, je reviens du Bénin, on voit une épidémie qui n'a cessé de croître, les gens qui ont lancé l'alarme en 86 ont été pointés du doigt, et vous voyez ce qui se passe à propos de la conférence conférence de Durban, où on ressort toutes les mythologies pour mettre en cause même l'origine du sida de façon à justifier l'absence de réponse politique et médicale. Non, la situation est très grave dans les pays en développement, mais je dirais qu'il y a encore actuellement trois sanctuaires, pour reprendre un terme de la pensée médicale contemporaine, trois sanctuaires du sida dans les pays développés comme les nôtres. Il y a des régions du corps où les médicaments pénètrent mal aussi, ce qu'on appelle des compartiments organiques qui sont sanctuaires. Les réservoirs, les fameux réservoirs. Donc on sait très bien que même là où on a toutes les moyens thérapeutiques, on a des grandes difficultés à contrôler même la reproduction continue du virus. On a des sanctuaires aussi en termes de connaissances et de prévention. Il y a des régions de nos sociétés où les pratiques de prévention ne pénètrent pas, ne peuvent pas pénétrer parce que les gens sont pris dans de telles autres urgences, quand on n'a pas de domicile, qu'on n'a pas de revenus, une maladie au déroulement lent et à long terme ne paraît pas une priorité. Donc voilà encore un autre sanctuaire dans nos sociétés qui n'est pas pénétré par une action préventive et politique. Et puis il y a l'ensemble du monde en développement où il n'y a pas de pénétration des thérapies minimal, le contrôle des infections opportunistes n'est pas assuré dans la majorité des pays en développement. 2,5 millions de morts en Afrique, pour le moins, l'épidémie n'est pas contrôlée. On va décrire donc un peu toutes ces 15, maintenant près de 20 ans de déroulement de l'épidémie. Mais malheureusement, commençons par le début. Et le début, tant pour votre histoire personnelle que pour l'histoire de la lutte contre le sida, ça commence malheureusement mal. Vous savez, 7h39. La mort de Michel Foucault, philosophe, historien, écrivain, archéologue du savoir, comme il se présentait lui-même, difficile à classer en tout cas. Il est mort hier à Paris, on ne connaît pas les causes précises, sans doute une infection pulmonaire, il avait 57 ans. Michel Foucault, c'était un peu comme Roland Barthes, comme Jacques Lacan, comme Raymond Aron, comme Louis Althusser ou comme Jean-Paul Sartre, des phares, des maîtres à penser, inconnus pourtant ou presque de ce qu'on appelle le grand public. Daniel Defer, nous sommes le 25 juin 1984, à la radio, il y a ces bulletins qui parlent, qui évoquent la mort de Michel Foucault, votre compagnon. Il est mort la veille. Et tout de suite, en tout cas quand on écoute après coup, il y a cette interrogation qu'on se pose. Et puis surtout, cet événement absolument incroyable de comment un événement personnel, comme la mort d'un ami, la mort d'un compagnon, va être à l'origine d'un mouvement collectif. Pourquoi ? La plupart des mouvements sociaux, vous savez, naissent d'une histoire, d'un drame individuel et d'une absence de réponse sociale. On a toujours cette conjoncture-là, regardez. On ne peut pas dire qu'à l'époque, en 84, il n'y avait pas une pression sociale sur cette épidémie qui n'était pas perçue comme épidémie. Elle était très marginale, très silencieuse. Elle a commencé beaucoup plus tôt qu'on le croit en France, ce qui explique d'ailleurs le haut taux de contamination sanguine, mais on n'en avait pas de conscience. Deuxièmement, la communauté, j'aime pas beaucoup le mot, la communauté homosexuelle, qui était déjà la plus touchée, n'existait pas non plus une pression. Donc il n'y avait pas de pression sociale, il n'y avait pas de pression communautaire. C'est vrai, ça ne pouvait être qu'un événement individuel. L'événement individuel, si vous voulez, il est double, je dirais. Michel Foucault était une figure intellectuelle et politique importante pour beaucoup de monde, et pour moi en particulier. D'autre part, la manière dont le monde médical a géré la fin de sa vie a été pour moi extrêmement problématique. Quelque chose d'extrêmement douloureux que je n'ai jamais voulu dévoiler, rendre public, je le ferai peut-être un jour. Ça a été très très pénible. Un corps médical qui ne savait pas comment faire devant une maladie qu'il ne savait pas manier. Et leur problème majeur était la peur du scandale, au point que moi j'ai appris la raison exacte de ce décès sur un bulletin de décès que j'ai lu par... inadvertant sur la table de l'hôpital, la Salpêtrière, et la réaction c'est « ne vous inquiétez pas, ça va disparaître ». Ce n'était pas le problème pour moi. Donc, vous voyez, ça, je pars d'une situation qui pour moi est tout à fait scandaleuse, une absence de capacité de réponse de la part du corps médical, le fait qu'on ait maintenu le malade dans l'ignorance de... l'imminence de sa mort. Je ne dis pas qu'il n'en était pas conscient. Je pense aussi qu'il en avait compris assez pour ne pas poser de questions. Mais je trouvais scandaleux que quelqu'un jeune, vous avez rappelé, 57 ans, moi j'ai déjà dépassé cet âge, maintenant, quelqu'un jeune ne puisse pas maîtriser sa vie, l'imminence de sa mort, prendre des décisions concernant les choses. Vous savez qu'on a eu beaucoup de difficultés concernant l'œuvre laissée en suspens. Oui. Et je trouve qu'on ne peut pas priver les gens de la maîtrise de leur vie aussi le plus loin possible. Donc ma réaction, c'était ne pas laisser perpétuer une telle maladresse médicale, une telle carence de réaction, ne pas laisser les gens sans maîtrise sur leur vie. Et puis aussi, j'avais milité avec Michel Foucault, nous avions créé ensemble le groupe Information sur les prisons, qui a été important dans la... conceptualisation de haine. Nous avions ça, milité dans ensemble. Dans les années 70. Dans les années 70. Nous avions milité ensemble et c'était un peu mon travail de deuil de continuer quelque chose avec lui, de continuer un travail militant, comme je pensais que si la situation avait été inverse, il aurait fait quelque chose. Deuxièmement... Mais c'est venu tout de suite, c'est-à-dire que... Oui, tout... moi, c'était la réaction immédiate. C'est très curieux parce que la personne la plus réticente à ce projet, c'était Hervé Guibert, qui était une proche à qui j'en avais parlé, qui était tout à fait indigné à l'idée de créer un mouvement social comme ça. Bon, mais pourquoi donc, mais par tempérament artistique ou peut-être, par... Peut-être. Ou par réaction Et alors, mon idée initiale était un mouvement sur le droit des malades à maîtriser leur vie, donc leur dossier médical, qu'on ne puisse pas... alors bien sûr, un malade peut ne pas vouloir savoir ce qui est son droit, qui est une manière aussi de gérer sa vie et sa mort, mais aussi de ne pas entrer dans des dénégations, parce qu'il y a eu quand même des attitudes de dénégation. Oui, parce que, mais est-ce que ça vous paraissait assez secondaire, y compris sur le moment, la polémique qui a pu suivre après la mort de Foucault, pour savoir est-il mort ou pas du sida, et puis fallait-il ou pas le dire? Alors, premièrement, là-dessus, il y a beaucoup de légendes. À sa mort, bon, Foucault appartient à une famille médicale, il y a des traditions médicales depuis plusieurs générations. Une famille, une tradition médicale est très soucieuse de la confidentialité de la maladie. Et admet, moi j'y souscris totalement, enfin c'est un principe que j'ai tout le temps défendu, que seul le patient peut révéler les choses s'il le souhaite. Mais le droit français et la déontologie médicale française, le médecin n'est pas délié du secret par la mort du patient, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ce qui explique aux États-Unis les révélations sur les gens, puisque de toute façon après leur mort il n'y a plus de secret médical. Oui, et puis je crois qu'aux États-Unis il y a toute cette question des assurances, des indemnisations, etc. Oui, et puis il y a la question de l'embaumement. Oui. Bon, mais aux États-Unis, donc le médecin... Le médecin est délié du secret médical. Il y a une obligation de dire quelle est la cause du décès à cause des problèmes d'infectiosité lors des embaumements. Bon, toujours est-il qu'en France, ce n'est pas le cas. Et donc, Michel Kuhn n'ayant rien dit, personne n'était autorisé à. Néanmoins, comme effectivement, il y avait une forte... présomption publique, plus qu'une présomption, puisque j'ai appris longtemps après qu'un médecin faisait des communiqués quotidiens à l'agence France Presse pendant la maladie de Foucault. Ça, j'ai mis 2 ans pour le savoir. Mais il y a quand même des grossièretés. Des très gros, oui. Donc, la famille et les médecins ont publié un communiqué sur son décès. Donc il n'y a pas eu du tout de silence. Le mot sida n'était pas prononcé effectivement, mais la description clinique de la maladie était parfaitement explicite dans un communiqué qui est paru le 25 juin. Donc quand on nous dit il y a eu tout ça, alors ces libérations qui a dit cette chose absolument stupide. On dit que, comme si on voulait lui faire une mort scandaleuse, ce qui était grossier. On dit qu'il y avait un petit article où il était fait état, on disait que Michel c'était grossier. Ni la famille ni moi n'avons réagi à cela, c'était tellement bon. Mais beaucoup de lecteurs de Libération ont réagi. Et alors, à partir de cette réaction, on a pensé qu'il y avait eu un mystère, alors que non, il y avait eu un communiqué conjoint de la famille et du corps médical, puisque le corps médical, en tant que tel, ne peut pas, c'est toujours avec l'accord de la famille, et c'était médicalement explicite. Donc, on laisse tomber cette rumeur. Moi, le scandale, il est... D'abord, je ne trouvais pas du tout qu'il y avait un scandale à mourir du sida, pas plus qu'il y a un scandale à être homosexuel, et il n'y avait rien, et c'était stupide de la part du journaliste de Libération de dire comme si on avait voulu, chez nous, on le sait véritablement, j'étais révolté par cela. Mais il y avait un problème très réel, que je ne me sentais pas plus autorisé à dire les choses à la place de Michel Foucault, qui n'avait pas pu les dire. Et ma conception de la vérité, c'est pas de la proclamation individuelle, c'est une action pour que collectivement les choses ne se reproduisent pas. Donc mon engagement et mon amour à l'égard de Michel Foucault, c'était pas de faire des révélations publiques, c'était d'empêcher que ça puisse se reproduire par un mouvement social. Et que donc la parole vienne de celui qui la vit. Bien sûr, mais ça c'était notre engagement. Vous savez, Foucault a commencé son grand œuvre par une histoire de la folie où il espérait restituer la parole des exclus au moment de la commencement de l'enfermement de la folie. Puis il a constaté qu'il n'y avait pas de parole de la folie, qu'il n'y avait que la parole des médecins, des administrations, et puis progressivement la parole des psychiatres. Et que finalement, cette histoire de la folie commençait sur une exclusion de la parole. Et vous savez qu'il a fait résurgir d'archives d'inconnus, Pierre Rivière, Herculine Barbin, des personnages où il a publié les lettres de cachet, qui n'étaient pas ce que l'on croyait, qui étaient des lettres qui venaient d'en bas, ou des gens qui s'adressaient au roi pour établir l'ordre chez eux, et non pas le roi qui imposait l'ordre chez les gens. Donc Foucault, au contraire, fait tout un travail de donation de parole à des gens, ou de restitution de parole à des gens qui avaient été contraints à l'aveu par le pouvoir, mais qui avaient une parole, mais néanmoins une parole contrainte dans une relation de pouvoir. Mais il y avait aussi des gens qui étaient exclus de la parole, et qu'une relation de pouvoir inversée pouvait remettre dans le circuit de la parole. C'est ce que nous avions fait avec la création du GIP. La création du GIP, on était parti quand même d'une chose que les détenus n'avaient pas le droit de parler de la prison. Vous savez, le GIP, voulant dire groupement. Le groupe information sur les prisons. Le groupe d'information sur les prisons qu'on a créé en 1970, dans le contexte de l'emprisonnement politique des militants de la gauche prolétarienne, hein, qui sont aussi à l'origine de la création de Libération. Nous avions créé ce mouvement autour de cet interdit de parole sur les conditions pénitentiaires. Vous faisiez allusion à l'actualité d'aujourd'hui à l'UNSTILA. Vous savez qu'aujourd'hui également, il y a audition par les parlementaires qui ont constitué une commission d'enquête sur les prisons. Ils font une audition aujourd'hui de familles de détenus, de visiteurs de prison et tout ça. Bon, on est encore dans l'actualité. Donc la restitution de la parole de gens issus de la parole, ça avait été notre trajectoire avec le groupe d'information sur les prisons, puisque moi, avec mes habitudes de sociologue, j'avais fait entrer des questionnaires dans les prisons, et nous avons publié, ça s'appelle Enquête dans 20 prisons, et nous avons publié ces questionnaires qui étaient des paroles anonymes venues de 20 prisons françaises. Mais à la mort de Michel Foucault, vous avez eu, comment dirais-je tout de suite, l'intuition de ce rapprochement entre ce que vous vouliez faire pour casser ce silence créé par le pouvoir médical autour de la mort de Foucault et de ce que vous aviez vécu dans le monde des prisons. Oui. Ou c'est... Non, c'est totalement... Pour moi, c'était un peu la reproduction de cela. Et ça n'a pas été cela, mais c'était cela le projet initial. J'ai commencé par contacter des juristes, des avocats avec qui nous avions travaillé dans le cadre du groupe d'information sur les prisons. Et l'objectif, c'était vraiment le droit des malades. Il y a un projet de loi. Oui. Le droit des malades, le droit à la vérité, le droit à son dossier. Non pas l'obligation, mais le droit à. Bizarrement, d'une part, je n'ai pas eu de réponse de la part des gens à qui j'ai écrit. Et en même temps, j'ai lu une lettre très bouleversante dans Libération, d'un jeune homme qui venait d'apprendre qu'il était malade. À l'époque, vous savez, le test était artisanal, c'était en 84, et on ne savait pas bien la signification de la séropositivité, donc on ne savait pas s'il était malade cliniquement. Il y avait la fameuse expression des porteurs sains. Oui, oh non, ça n'existait même pas encore à l'époque, parce qu'on était vraiment à un début, le test était... il fallait que pour qu'il la notion de porteurs sains existe, il fallait qu'il y ait déjà beaucoup de gens titulaires de leur sérodiagnostic, et à l'époque, le test, écoutez, moi je l'ai fait en 84, il était complètement artisanal, il fallait 2 mois. Donc il y avait très peu de gens testés. Et ce garçon venait d'apprendre sa situation sérologique, il pensait qu'il était atteint cliniquement du sida, et il a publié une lettre dans Libération en disant « Je vis avec le diagnostic, c'est insupportable ». Ce qui m'a complètement obligé, si vous voulez, à remettre en cause mon projet. Et comme je ne recevais pas de réponse des gens sollicités, ça a permis de réfléchir. Mais les remettre en cause parce que la question du diagnostic était... Ben oui, elle n'était pas si simple que je l'avais pensé. Que finalement, je disais comme ça, dans une réaction immédiate, c'est scandaleux de ne pas avoir de contrôle sur son diagnostic. Mais la question de comment vivre avec, qui était la question majeure, comment vivre avec, ça je me l'étais pas posé. Et donc j'ai rencontré ce garçon qui avait écrit dans Libération, il a posé toutes les très bonnes questions. Oui, je crois que ça avait été une des toutes premières lettres, un des tout premiers témoignages publics, probablement. Privé. Il y a eu un témoignage antérieur à la télévision qui avait été fait à Bichat, mais je crois que c'est une des premières lettres. Et alors, il se trouve que vous avez évoqué tout à l'heure que AIDE était né comme un mouvement social. Il se trouve donc que les projets un peu personnels avaient du mal à se concrétiser devant, effectivement, ce témoignage, par exemple. Et puis, il y avait autour de moi les quelques premiers malades que je pouvais connaître et... qui commençait à se réunir et on était quand même dans la douleur, dans la difficulté. Et c'est parce que Libération a appris que j'étais en train de créer cette association qu'ils ont fait une interview sur le projet. Cette interview doit être d'octobre 84, c'est Eric Conant, je crois, qui l'a publié, et je crois, je suis sûr, au lendemain de cette interview, j'ai reçu un énorme courrier, et ce sont les gens qui ont répondu, qui ont créé collectivement l'association. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens? Alors, ces gens, ils étaient confrontés, soit dans leur corps, s'ils étaient malades, soit dans leur vie affective, parce que c'était des gens proches d'eux, soit ils étaient confrontés au risque, parce qu'ils étaient homosexuels, ou parce qu'ils étaient toxicomanes, ou proches. Et donc, si vous voulez, c'est une configuration de gens. Certains étaient des proches de moi, d'autres étaient tout à fait inconnus. Et nous nous sommes retrouvés comme ça, des gens qui ne se connaissaient presque pas, qui avaient tous un parcours individuel, et nous avons donc eu à créer les objectifs communs de ce groupe qui s'est constitué sur... donc vous voyez l'enchaînement, c'est ni une pression de l'épidémie, ni une communauté constituée, mais c'est effectivement la réaction d'un individu en laquelle des gens divers se retrouvent. Et à partir de ça, on a à construire un projet. Est-ce que vous aviez, parce que ça devait être, et c'était quelque chose, je suppose, d'extrêmement délicat à mener et à manier, c'était cette intrusion, d'une certaine façon, de la vie privée dans une histoire qui allait devenir de plus en plus publique et collective. Est-ce que ce sentiment-là était un sentiment partagé ou pas du tout? Ou bien il y avait une sorte d'évidence de la situation, C'est très très compliqué. C'est très compliqué. Bien sûr que ça mettait en scène pour chacun sa vie privée. À partir du moment où on devenait acteur public sur cette maladie qui était très silencieuse, Michael Pollack a fait ses enquêtes dans l'année 85. Michael Pollack est un sociologue qui a travaillé quelques années après sur les homosexuels et sur les... C'est ça, qui a fait des interviews auprès des malades hospitalisés sur la difficulté de prise de parole. Et c'est lui qui avait dit c'est la maladie du silence parce que la majorité des gens atteints dans les années 85-85 étaient d'abord majoritairement des homosexuels et et ensuite des toxicomanes, mais pas un peu plus tard, et aussi quelques malades africains, qui, pour la majorité d'entre eux, n'avaient pas négocié dans leur entourage familial leur situation affective ou sexuelle. Donc, la négocier au moment d'une maladie qui, de toute façon, c'était pratiquement impossible, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, on rendait public à la place de gens, d'une certaine manière, quelque chose que les gens ne pouvaient pas dire eux-mêmes. Hein. Ce problème de la prise de parole, il a été long, il a été difficile, il a fallu quand même des changements profonds. Donc c'est vrai qu'il y avait un élément de vie privée, mais en même temps, justement, nous étions confrontés à des tas de difficultés concernant cela. Est-ce que nous allions en faire un mouvement à partir de la situation personnelle des gens ? Leur homosexualité, leur proximité de la maladie. Mais dans notre groupe, il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient concernés pour des raisons professionnelles. Il y avait aussi des juristes qui étaient concernés pour des raisons de respect des droits et des droits de l'homme. Donc l'idée, c'était plutôt de créer un objectif de mobilisation, si vous voulez, créer un objet plutôt que mobiliser les vies privées, mais plutôt mobiliser un objectif commun. Et c'est pour ça que nous avons dit le sida est une priorité de santé publique. Nous avons introduit ce mot-là un petit peu pour sortir des difficultés des uns et des autres par rapport à la gestion de cette maladie. Parce que, effectivement, cette maladie mettait sur la scène publique une vie privée que les gens n'avaient pas toujours négociée. Puis, de toute façon, si vous voulez, cette notion vie privée, vie publique, on en reparlera peut-être, mais... Oui. C'est un partage extrêmement complexe. Il n'y a pas tellement de sexualité qui soit vraiment privée. Parce qu'à un moment ou l'autre, la sexualité réapparaît sous la forme ou du mariage ou de la procréation ou du divorce ou de la maladie. Bon, je n'ai jamais pensé que la sexualité faisait vraiment complètement partie de la vie privée. Et comme le disait mon maître Canguilhem, la maladie aussi est publique beaucoup plus que la santé. Est-ce que... L'ambiance dans ces toutes premières réunions en octobre, novembre 84, c'était une ambiance, comment dirais-je, très combative ou très comme d'effondrement ou d'inquiétude de... Combative d'abord, parce que c'est vrai, ce qui nous mobilisait, c'était de faire quelque chose. À un moment, il n'y avait rien. Donc, si, il y avait une vraie mobilisation, on était combatif. Il y avait la question de trouver des modèles d'action. Parce que les malades, à l'époque, c'était des gens en fin de vie. Donc l'idée de faire une organisation avec les malades, c'était pas si facile parce que à l'époque la notion de séropositivité n'existait pas, comme je vous l'ai dit, hein, ça commence à devenir une réalité sociale en 87. Le test ne devient accessible industriellement que fin 85 et les gens y recourent courant 86-87. Hein, puis les CDAG c'est quand même fin 86 début 87. Donc il y a pas tellement de gens qui connaissent leur sérodiagnostic, il y a donc pas cette mobilisation de la population elle-même. Donc au départ nous avons plutôt affaire à des gens gravement atteints et souvent en fin de vie, et à leur immédiat entourage complètement démuni et qui ne sont pas non plus dans un registre de prise de parole, mais plutôt d'accompagnement, de soins, de problèmes de douleur et d'accompagnement de fin de vie. Donc, si vous voulez, au départ, c'est vrai qu'il y a un côté groupe de deuil, mais il y a aussi, on n'est pas là pour se faire de l'autosupport, on est là aussi pour répondre à leur qui est une situation de carence totale. On ne sait pas l'état de l'épidémie en France. Et comme vous le racontiez parfois, on ne sait pas non plus l'état des premières personnes qui commencent à se battre contre l'épidémie. Elles sont, elles aussi, bien souvent, ignorantes de leur situation, de leur proximité éventuelle avec l'épidémie. Hélène Rosser, quand vous arrivez en février 89 à Aide, comment est cette association? Comment vous la regardez? Quelle tête est là? Surtout, je crois que je fais partie des premières personnes, si ce n'est la première personne, à venir du milieu professionnel de la santé. Donc, effectivement, c'est assez surprenant. Ce qui est le plus étonnant, c'est la chaleur de l'accueil que je reçois. Parce qu'effectivement, d'une association dont on pourrait dire à un moment donné qu'elle se monte contre le système de santé, y accueillir un médecin, c'était un petit peu un défi. Et l'accueil que j'y reçois à ce moment-là est probablement le souvenir le plus émouvant que j'en retiens de ce 2 février 1989. Et pourquoi cet accueil chaleureux et pourquoi un médecin On était venu vous chercher ? C'était très exactement Daniel Defer qui était venu me chercher. Je m'étais occupée, dans le cadre de la campagne, la première campagne de prévention et d'information sur le sida en 87, des actions de terrain. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de convoquer les associations et de travailler avec les associations. Et je fais donc la connaissance de Daniel. Il vous paraît comment, ce Daniel Defer, quand vous le voyez ? Oh bah c'est un personnage, je crois, qui est déjà mythique. Il a déjà un tel charisme qu'effectivement, il est assez fascinant. Donc, il a porté beaucoup d'idées nouvelles, finalement, qui font écho. Alors, moi, j'étais quand même pas extrêmement vieille à l'époque. Je devais avoir 26 ou 27 ans. Et bon, je sortais presque de la faculté. C'était des idées qui me paraissaient extrêmement, extrêmement nouvelles, mais vraiment intéressantes. Mais c'était quoi, ces idées ? Ah bah c'était très clairement, enfin moi, dans le discours de Daniel, ce qui m'intéresse le plus, c'est la réforme du système de santé via les patients qui sont finalement la matière extrêmement importante. Et jusque-là, on les a regardés de manière, effectivement, comme une matière, des objets de santé. Et devenir des sujets de santé à un moment donné et des décideurs de ce qu'ils veulent sur un système de santé me paraissait vraiment une bonne idée. Et l'ambiance aide. Alors, vous arrivez en 89, certes, alors c'est très chaleureux, mais c'est surtout une époque terrible, parce que c'est quand même une époque où l'on meurt énormément. Ah oui, j'ai des souvenirs très étonnants. Alors, être ce professionnel à ce moment-là, à temps plein, entre guillemets, je me rappelle avoir fait un certain nombre d'injections à des personnalités de aide. Être détenteur, probablement créer quelque chose de particulier, parce que j'ai été détenteur de beaucoup de secrets. Et quelque part, j'étais le médecin qu'on venait voir en dehors de l'hôpital ou de la consultation. Mais en même temps, je crois que je suis restée beaucoup le médecin à l'époque. Et c'était très particulier. Je pense qu'il y a eu une forte pression. Surtout, ce que j'ai plus appris à l'époque, c'est à mesurer mes paroles, à savoir le poids des mots, le poids de l'avenir. Et ça avait forcément une connotation particulière. Alors, dans cette émotion, il y a bien sûr beaucoup de douleur. Il y a des amitiés qui se créent. Mais il y a des choses aussi très compliquées. Alors, il y a notamment avec Daniel quelque chose d'assez compliqué. C'est une attente très immédiate sur le médecin de santé publique que je suis. Et en réalité, moi, ma réponse, elle est surtout d'ordre communautaire. C'est des formations plus canadiennes qui prennent du temps. Et là, avec Daniel, c'est un peu compliqué. Daniel attend probablement ce qui s'est passé au tout début de aide, des réponses très immédiates, des dépliants créés en 24 heures, 48 heures, édités partout. Et ça, je ne sais pas faire, parce que je n'appartiens pas à la communauté. Donc, je suis peut-être une des premières personnes qui génère le rôle de médiateur ou facilitateur de la communauté. Donc, ça demande d'abord un peu de temps d'apprentissage. Et puis, deuxièmement, ça demande de faire parler la communauté à un moment donné. Pas directement, c'est pas elle qui va s'exprimer, elle va s'exprimer à travers moi. Donc cette consommation de temps, c'est probablement une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire comprendre à Daniel. L'époque aussi, c'est l'arrivée des sourds dans Aide. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, les sourds, comme ils n'étaient pas de la communauté, des communautés initiales, ça crée quelque chose de particulier. Et là, je peux prendre probablement un rôle particulier en expliquant ce que c'est un facilitateur vis-à-vis d'une communauté qui n'existe pas. Donc, cette démarche de santé communautaire, elle apparaît. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas une vraie démarche de santé publique au sens classique. Et bon, on n'en a pas beaucoup rediscuté avec Daniel après, puisque j'en suis partie. Mais je pense que ça a été des discussions à la fois intéressantes. Bon, moi, ce que j'ai le plus appris à l'époque par Daniel, et clairement par Daniel, c'est que tout peut être mis en question. Jamais rien n'est figé dans un système de santé pour et que régulièrement, on peut rediscuter des choses et c'est probablement, je crois, la chose la plus importante dont je sais gré à Daniel, de pouvoir tout rediscuter. Et en même temps, c'est le paradoxe de votre situation, parce que d'une certaine façon, on vous fait venir à Aide en raison de votre expertise, de vos connaissances, et vous nous dites que ce que vous apprenez à Aide, c'est la remise en cause de cette expertise. Ah, c'est clairement ça. Alors, c'est probablement ce qui a généré des frustrations vis-à-vis de mon arrivée. Parce que on attendait de moi des réponses très immédiates. Et je ne pouvais pas les donner. Alors, Daniel est ambigu vis-à-vis des médecins. C'est toujours très compliqué. Il est dans un rapport de fascination et de remise en question. Donc, il faut trouver le bon dosage pour donner la bonne réponse. Et c'est bon, probablement une des choses compliquées qu'on a eu tous les deux à mettre en place avec le temps. Parce qu'en même temps, moi je me souviens, mais jamais on entendait ou quelqu'un vous parlait en disant docteur. Il fallait le savoir que vous étiez docteur. Il fallait savoir que j'étais docteur, sauf que jamais, alors pour revenir à Daniel, jamais Daniel ne m'a présenté à quelqu'un sans dire c'est le docteur Hélène Rosser. Comme si c'était quelque chose d'importance pour lui. Et que pour elle, ça avait une importance qu'il y ait un docteur dedans. Oui, c'est vrai, c'est très ambigu. Tout ça reste très ambigu. Je ne l'explique pas bien. Je pense que pour moi, le temps des explications n'est pas venu. Mais en même temps, je pense que ça avait une vraie connotation, j'espère une vraie valorisation pour l'association qui a un docteur dedans. S'il n'y avait pas eu Daniel Defer, aide aurait existé ou pas? Est-ce que ce qui est toujours très fascinant dans la lutte contre le sida et dans les associations qui se sont créées et développées, c'est aussi quand même une composante souvent non seulement très individuelle, mais aussi miraculeuse, qui dépend de chacun. Et bon, là, c'est... Est-ce que... Je ne sais pas répondre si Daniel n'avait pas été là. En tout cas, elle n'aurait sûrement pas du tout été la même chose. Je pense que l'idée du réformateur social, du discours de Montréal de 89, elle reste encore une des citations les plus importantes dans le monde du sida. Donc, je crois qu'elle aurait été moins riche, la lutte contre le sida sans Daniel. Incontestablement. Elle aurait eu une connotation différente, probablement. Alors, c'est aussi l'ambiguïté. Bon, je crois que Daniel a apporté toute l'expérience des mouvements sociaux qu'il avait au préalable, et la connotation très politique. Et je pense que probablement, c'est l'apparition très directe, je ne dirais pas frontale, mais de la lutte contre le sida dans le monde politique que Daniel connaissait bien, qui l'a apporté et donné une... Et en ce sens, ça dépasse bien elle. Je crois que c'est tout à fait en rapport avec la lutte contre le sida en France, très clairement. C'est la dimension politique de cet aspect-là, qui n'existe pas dans notre pays, en tout cas même en Europe. On vient d'entendre Hélène Rosser, Daniel Defer. Hélène Rosser qui a été à un moment donné à Aide pour diriger Aide Fédération, puis elle est revenue quelques années plus tard, où elle est actuellement toujours la directrice de tous les services, pas de tous les services, d'ailleurs de la structure. Alors, c'est très extraordinaire quand on l'écoute, parce que donc elle arrive en 89, et c'est incroyable le changement qu'il y a. Incroyable déjà la puissance qu'a pu... La puissance en termes d'expression, de sens et d'engagement. Et alors, elle dit énormément de choses, mais on va essayer de les ordonner un petit peu et d'essayer de comprendre. Alors, il y a cette fameuse expression qui revient comme un magnifique refrain qui caractérise quand même énormément Aide. C'est cette expression que vous employez, alors je crois la première fois, en juin 89 au congrès de Montréal, où vous parlez en séance plénière et vous abordez la question, pas vous abordez, mais vous dites, il y a un changement majeur qui est en train de se produire. Ce n'est plus le médecin qui avant était à l'origine de tous les changements sociaux, c'est le malade qui tend à devenir le réformateur social. Oui, Hélène Rosser a bien situé, vous savez, c'est une personnalité extraordinaire qui a apporté énormément à l'association. La première fois qu'elle nous a quittés, je crois que c'était la plus grande émotion de toute l'histoire de l'association, et heureusement elle est revenue. Et Hélène Rosser a bien dit ce rapport qu'elle estime ambigu de mon rapport avec les médecins. Et justement, vous venez d'évoquer que lorsque j'ai employé l'expression malade réformateur, je me suis référé à la place du médecin au 19e siècle qui était un ingénieur social. Et tout ça... Oui, un ingénieur social, c'est-à-dire que comme vous l'écrivez d'ailleurs dans le discours, hein, vous dites, par un long processus qui a commencé maintenant il y a deux siècles, c'était le médecin qui avait été associé à toutes les réformes sociales. Il avait pensé l'architecture et la hiérarchie des hôpitaux, l'assainissement des villes, l'essor de la démocratie, l'hygiène industrielle, la conscription militaire. C'était le médecin réformateur social. Absolument. Donc ça, c'est quand même une des choses du 19e siècle. Et il m'apparaissait qu'il y avait une expertise des malades qui n'avait pas de poids politique. Une expertise sur la souffrance, sur la gestion de l'hôpital, sur la coordination des soins, l'articulation de la ville et de l'hôpital, l'articulation entre les spécialités, enfin tout ce qui est vécu par le malade n'a pas de retentissement dans l'espace social. Mais pourquoi? Parce que le médecin ne faisait plus son travail, ou bien parce qu'on était dans un contexte très particulier où le médecin en termes thérapeutiques n'avait rien à dire aux patients? Alors, Il y a, bon, on n'a pas le temps de faire toute l'histoire de la transformation de la technique médicale, hein, qui, encore au XIXe siècle, a une grande dimension sociale, mais qui devient de plus en plus une technique, des plus hautes technologies que nous ayons aujourd'hui, et avec une taylorisation croissante des actes dans l'hôpital et tout ça, et où la dimension biologique, microbiologique, maintenant thérapie génique, tout ça, deviennent essentielles. Et la dimension relationnelle, d'une part, tend à être, effectivement, en termes d'efficacité, elle est moins efficace que la relation technique, mais et la dimension sociale, ben effectivement, il y a des organismes extérieurs, il y a la sécurité sociale, il y a d'autres instances, et finalement la pratique médicale s'autonomise comme haute technologie. Et bon, et alors face à cette expertise médicale croissante et seul interlocuteur, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de problèmes à assumer par les malades seuls qui n'étaient pas reconnus, ces malades, et l'expertise acquise dans la gestion de tous ces problèmes n'était pas reconnue. Donc effectivement, il y avait une espèce de pendant à créer qui était la place du malade comme expert du système de soins. Et si vous voulez, ça renvoie à ce que disait Hélène Rosser tout à l'heure, mon expérience militante antérieure. Avec Michel Foucault, quand nous avons créé le groupe Information Prison, nous avions affaire à une population qui n'avait pas la parole, les détenus. Donc nous étions obligés de nous appuyer sur les anciens détenus, sur les familles, et également sur des professionnels. Il y avait des avocats, il y avait des magistrats dans le groupe. Progressivement, c'est la parole des détenus qui a pu être prédominante. Mais il y a eu une étape, si vous voulez, où le support à cette prise de parole et à cette légitimité sociale de la parole des détenus, elle a été portée par le fait que nous étions un groupe dans lequel il y avait des intellectuels spécifiques, comme disait Foucault, c'est-à-dire des gens qui, par leurs compétences, avaient une audience dans la société et pouvaient dénoncer, c'était même leur devoir. Ce que le docteur Vasseur a fait récemment à la santé n'a eu de poids aussi important que parce qu'elle était le médecin de la santé. C'est ça l'intellectuel spécifique pour Foucault. Eh bien, la place des médecins pour moi, c'était effectivement d'être présent dans la lutte contre le sida. Ils l'ont été, Dieu merci, heureusement, et très tôt. Mais c'est en général les jeunes médecins. Ce n'était pas ceux qui avaient la voix politique, ce n'était pas ceux qui étaient les partenaires des pouvoirs publics à l'époque. Maintenant, si, mais ils ont vieilli comme tous. Et ils ont été reconnus. Mais à l'époque, ils ne l'étaient pas vraiment. Et donc, si vous voulez, les médecins qui avaient l'expertise politique n'étaient pas ceux qui s'occupaient au premier degré des malades, et les jeunes médecins qui étaient vraiment compétents, il fallait donc les enclencher dans ce mouvement social avec les malades, mais avec l'objectif effectivement que la prise de parole et la reconnaissance d'expertise des patients allait devenir essentielle. Cette prise de parole, elle a tourné essentiellement autour de ce que vous avez appelé les permanences téléphoniques, qui ont été une des premières actions de aide. Alors, c'est ça qui a permis l'expression de cette parole-là ou... Écoutez, c'est exact. Parce que je vous disais tout à l'heure, les malades étaient en fin de vie. En plus, nous n'allions pas taper aux portes des chambres, vous avez dit là, confidentialité. Hein, nous étions extrêmement vigilants qu'il n'y ait pas effectivement de fuite, tout ça. Donc il fallait que ce soit les personnes elles-mêmes qui nous sollicitent. Donc c'était pas si évident d'être en contact avec l'ensemble de l'expertise, de l'expérience des patients. Nous avons ouvert la première permanence téléphonique sur le sida en France. Maintenant, vous savez, c'est un service public, sida infoservice, mais c'est nous qui avons créé cette première permanence en février 85. Donc avec Frédéric Edelman, Jean-Florian Mettetal, qui était justement un des tout premiers médecins importants dans l'histoire de l'aide, et qui était d'ailleurs le premier interlocuteur et le découvreur pour nous d'Hélène Rosser. Et nous avons donc commencé cette permanence téléphonique où nous avons eu à ce moment-là des paroles anonymes de toute la France. Qui disait quoi? Qui disait, écoutez, des choses que je me rappelle, j'ai des taches sur tout le corps. Je porte un survêtement avec un capuchon. Je porte des gants pour qu'on ne me voie pas. Est-ce que vous connaissez un médecin ou telle région de France qui pourrait me dire si ce que j'ai, c'est pas le sida? Et quand on entendait ça, effectivement, on avait la description d'un kaposi très, très avancé, très grave. Et la personne ne savait pas à qui parler. Nous avions des tas d'expériences comme ça. Une fois, même on arrivait à avoir dans la même famille des appels téléphoniques. Quelqu'un disait, je crois que j'ai dit ça, je veux pas que ma famille le sache. Deux minutes après, on avait un autre appel, une mère qui disait, je crois que mon fils est malade. Je voudrais tellement être proche de lui, mais j'ose pas lui parler, je me doute bien qu'il est homosexuel. S'il vous appelle, dites-lui que sa mère vous a appelé. Enfin, vous savez, des choses épouvantables de souffrance et de mutisme. Et alors, vous savez, j'écris très vite et on faisait notre apprentissage et je copiais, bon c'est anonyme, mais je copiais les contenus. J'ai copié comme ça les 100 premiers appels dans mon cahier. Mais c'est impressionnant l'expérience sociale que nous avons acquise. Je veux dire qu'avant la permanence téléphonique, nous savions presque rien sur le SIDA. Nous savions le béaba élémentaire des médecins. Mais au bout d'un mois, nous avions une expertise, mot que j'aime bien, une expertise sur l'expérience muette que la société française est en train de faire du SIDA et qui n'avait d'expression nulle part. Parce que quand même, de quoi parlait-on dans les journaux? On parlait de qui avait découvert le virus, Montagnier ou Gallo. C'était quand même l'essentiel de l'information et sur la France, il n'y avait rien. Moi, je me rappelle un article, je ne sais plus dans quel journal j'avais recopié ça, c'est le 15 juin 85, un titre qui était « Le sida n'atteint pas seulement les toxicomanes et les homosexuels, c'est un problème de santé publique ». Bon, nous avions dit ça très tôt, c'était un problème de santé publique, mais quand même l'idée que c'était un problème de santé publique à partir du moment où ça n'atteint pas les homosexuels et les toxicomanes, vous voyez, c'était quand même très grave. C'était quand même une conception de la santé publique comme la santé d'un public légitime. C'était quand même non pas une vision politique de la santé, mais une vision extrêmement ségrégationniste. C'était quand même un journal, et je crois même de gauche, qui avait fait ce titre-là. Donc, vous voyez quand même la prise de conscience qu'il fallait créer l'espace politique qu'il fallait créer pour que les malades osent parler. Alors c'est vrai que les premières paroles recueillies étaient des paroles anonymes dans les permanences téléphoniques. Foucault, vous avez, je ne sais pas parce que c'est une phrase que souvent vous citez, à savoir que la façon dont on traite les marges révèle un petit peu ce qui se passe au centre, ou plus exactement, parce que j'ai retrouvé la phrase, c'est pas ce qui se passe au centre, c'est comment le pouvoir est géré au centre. Oui. Et donc là, d'une certaine façon, ce que vous venez de raconter avec cet incroyable lapsus autour des homosexuels ou des toxicomanes, ça révèle. Ça révèle quoi? Ça révèle le pouvoir médical? Ça révèle les liens sociaux? Ça révèle... Toute société prend un certain pouvoir sur ses malades. C'est un certain pouvoir ou un certain regard? Ce qui est la même chose. Le regard, il accompagne les actions, les relations de pouvoir. Si vous voulez, cette phrase, elle disait bien le rapport que la société française, dans son inconscient, entretenait avec cette pathologie, n'en faisait pas un objectif d'action politique. Et effectivement, on a commencé dans les instances politiques, lorsqu'on a constaté une féminisation du sida, que des enfants étaient atteints, commencer à pouvoir tenir un discours acceptable. Mais je crois que le problème majeur n'était pas tant le pouvoir politique. Le problème majeur pour Aide a toujours été de créer un espace dans la société pour la reconnaissance de cette pathologie. Le pouvoir politique suit s'il y a une société mobilisée. Hein, l'idée que c'est toujours le pouvoir politique qui est la cible est souvent une idée erronée qu'une autre association, ATUP, a développée en cassant par là même le lien que nous avons toujours voulu créer entre les patients et la société. En même temps, on peut même faire cette remarque qui est assez... qui m'a toujours troublé, c'est que surtout, vous venez quand même plutôt d'un milieu de gauche. Or, on remarque quand même que dans les 10 premières années de lutte contre le sida, les grandes décisions politiques ont été prises par la droite, en particulier par Michel Barzac. Si vous voulez, il y a tout ce problème de l'évolution de la prise de conscience de cette épidémie. Alors c'est vrai que l'épidémie, elle s'est trouvée coïncider avec beaucoup de choses. Elle s'est trouvée coïncider avec une série d'alternances en France. Sans arrêt une situation gauche-droite, c'est vrai que les premières décisions politiques sont prises par la droite à une époque où probablement que la gauche aurait été obligée de les prendre aussi parce qu'il y avait quand même là une reconnaissance du problème qui commençait à naître. Et les premières décisions politiques sont prises par Michel Barzac Et alors les premières décisions, c'est la vente libre des seringues, c'est la publicité sur les préservatifs. La publicité sur la première, c'est la publicité sur les préservatifs. Alors qu'avant c'était interdit. Oui, il y avait. Alors la vente était possible, mais la publicité était interdite. Or, comme en France, c'était pas une pratique courante, le préservatif, à la différence des pays anglo-saxons. Donc, effectivement, sans publicité, il n'y avait pas de recours au préservatif. Donc, c'était absolument important de commencer par l'abolition de ce décret, en fait, qui avait été pris sous l'initiative de pouvoir politique catholique. Donc, ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'était la vente libre des seringues. Et nous avons œuvré pour ces choses-là. Il y avait également une des premières mesures. Nous avons quand même été les premiers à alerter sur la situation de la transfusion sanguine. Hein, c'est quand même une conférence de juin 85 qui a précédé les décisions de Laurent Fabius, dont la décision de Laurent Fabius était du 19 juin, et nous avons fait cette conférence le 5 juin, justement avec Jacques Lebovitch et avec les gens qui avaient fait cette enquête sur la banque de sang de cochin, et nous avons révélé, et d'après tout ce qu'on examine dans la presse, il était évident que tout a commencé à bouger à la suite de cette conférence, parce qu'il y avait eu déjà des choses de dites à la télévision. Christine Autrenne avait interrogé Jacques Lebovitch en mars, je crois, mais c'est le fait qu'il y avait un mouvement social autour de cette question qui a fait bouger effectivement les décideurs politiques. Donc, véritablement, l'existence d'un mouvement social est essentielle pour que les décisions politiques soient prises. Mais le grand moment quand même des décisions politiques, je dirais, c'est le ministère Claude Évin. Parce que les décisions... Claude Évin, donc lui, il arrive au pouvoir, c'était sous Rocard en 88. Oui, alors, si vous voulez, la ligne politique est la même. Donc, aide à 4 ans. Oui, la ligne politique est la même, je dirais, les principes, le respect des droits de l'homme, les ventes libres des seringues qui étaient à titre expérimental avec Michel Barzac, son projet devient définitif et toute la... Mais ce qu'il y a à partir de cela, c'est quand même la mise à disposition de vrais moyens. C'est vrai, quand Claude Gault a fait son rapport sur la situation de l'épidémie en France, qui était, je crois, en 88. Pas la situation de l'épidémie, mais la réponse des pouvoirs publics à l'épidémie. Hein, c'est ça, le rapport Gault. Et il montre effectivement l'incroyable carence. Il y avait 2 ou 3 personnes au ministère qui s'occupaient du dossier, enfin tout ça. C'est-à-dire que même malgré la pression sociale, on avait fait tout un travail de mutation idéologique, mais il n'y avait pas encore de mutation politique. Mais alors, pour revenir sur un point d'histoire, et qui rejoint tout à fait la situation, y compris la prise en charge par les pouvoirs publics. Il y a une chose absolument inédite dans la réponse collective, qu'elle soit au niveau politique ou qu'elle soit au niveau social face à une épidémie, c'est que pour la première fois, d'une certaine façon, il va y avoir une réponse, comment dire, libérale. Ce que vous racontiez, ce que vous avez raconté souvent, c'est qu'avant, tout traitement d'épidémie se traduisait par des mesures coercitives. Là, l'enjeu majeur a été s'appuyer sur la responsabilisation des personnes touchées. Oui, c'est... Mais qu'est-ce qui a permis ça ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pas notre action individuelle. C'est que notre action individuelle s'inscrit dans une grande transformation de la société par ailleurs. Bon. Disons, premièrement, que cette épidémie, elle coïncide avec, disons, la réémergence du libéralisme en Occident. Hein, c'est la période Reagan, c'est la période Thatcher. Et Thatcher, qui a été d'ailleurs une des personnalités politiques à prendre le plus rapidement des initiatives politiques. Hein. C'est pas neutre, ça m'a toujours frappé. Donc c'est une épidémie qui se développe dans période de libéralisme. Et ça pèse, c'est une pandémie en plus, en période de prétendue mondialisation. Bon, c'est alors que les codes de santé publique qui... donne le cadrage du contrôle des maladies infectieuses, datait des dernières maladies infectieuses qui quand même tendaient à se résorber dans les pays développés. Donc, si vous voulez, les codes de santé publique n'étaient pas tellement nettoyés par rapport à la situation. C'est vrai que la tradition de contrôle des épidémies, c'est contraindre les gens. Oui, hein, on les expulse. La déclaration obligatoire, donner les noms des partenaires avec lesquels on a eu des relations sexuelles, interdiction de circulation, expulsion, originellement la quarantaine. Vous voyez des mesures, vous vous rappelez ce qui s'est passé en Bavière où on voulait justement... Oui, mais là dans l'histoire, on a... Bon, certes, il y avait un contexte libéral que vous racontez, mais il semble aussi, c'est pour ça que il faut pas, je crois, toujours minorer les rôles des personnes, il y a eu des gens importants. Vous, en France, Jonathan Mann au sein de l'OMS, c'est-à-dire, je me demandais si, sans ces personnes-là, le type de réponse occidentale face à cette épidémie aurait pu verser sur un volant beaucoup plus contraignant ou pas, non ? Non, je ne crois pas. Parce que je crois qu'il y a un problème technique dans cette épidémie. Hein, et que c'est le problème technique qui était majeur. Si vous voulez, contraindre les gens au dépistage, tout ça ne servait à rien. Parce que c'était donner un très faux message sur l'épidémie. Et l'histoire des épidémies passées nous a appris que les techniques de contrainte ont eu un effet désastreux. Que, en général, les gens les plus susceptibles d'être malades entrent dans la clandestinité et deviennent des propagateurs de l'épidémie parce qu'ils n'osent prendre aucune mesure de précaution qui risquerait de les désigner. Donc, véritablement, il y a tout un savoir acquis par les historiens des épidémies et il y a toute une logique quand on analyse finalement cette maladie qui ne manifeste ses effets cliniques que très lentement et même ses effets biologiques, si vous voulez, puisque vous savez qu'il y a quand même un temps de montée des anticorps. Donc, finalement, les techniques d'observation contraignantes risquaient d'obtenir des effets totalement négatifs. Alors naturellement, le langage technique ne suffit pas à faire passer un message, il faut effectivement que ça puisse entrer en résonance avec des analyses politiques, un mouvement idéologique, tout ça. Or ça entre en résonance avec toute une évolution de notre médecine, si vous voulez, où les maladies infectieuses sont dans nos sociétés plutôt en régression, et qu'au contraire, les maladies qui sont les plus traités aujourd'hui sont des maladies longues, des maladies chroniques et à traitement long. Donc finalement, il y a eu tout un travail à progressivement reconnaître cette maladie comme une pathologie chronique qui commence dès l'infection, puisque le virus se reproduit en millions de copies oui, dès l'infection. Oui, je vous coupe un instant parce que sur l'expression maladie chronique, parce que lors d'un débat ou d'un congrès à Riga, vous repreniez déjà, c'était donc au début des années 90, une phrase de Daniel Fox qui faisait « Le sida est une maladie chronique et le cancer est un analogue convenable pour penser sa thérapie oui. ». C'est-à-dire très tôt, vous oui, avez considéré... Très tôt. Mais de toute façon, vous savez, c'est une maladie qui se développe... Alors, c'est une maladie qui a toujours été chronique, mais qu'on a été long à reconnaître. Vous avez évoqué tout à l'heure cette notion de porteur sain qui était désastreuse, parce qu'elle faisait des gens, des agents de... Elle faisait des agents de contamination et pas des gens à traiter. Hein, c'est une expression extrêmement malheureuse. Par contre, dès le départ, on a mal compris, si vous voulez, la dimension chronique de cette maladie. Elle était lente à être bien comprise, mais elle était quand même présente. Et alors, effectivement, comme c'est une pathologie chronique, comme à très longue, c'est un antivirus, donc c'est une maladie très lente, tout ça. Et c'est véritablement la personne elle-même, premièrement, qui seule peut savoir à quel moment elle s'est exposée à un danger, à quel moment elle doit se contrôler. Deuxièmement, les dépistages, toutes les mesures de coercition n'empêcheront pas qu'au moment où la transmission majeure se fait, c'est-à-dire dans les relations sexuelles ou dans des échanges de seringues essentiellement, le reste étant contrôlable par les institutions, transplantation d'organes ou transfusion sanguine, bon, ben, dans ces moments intimes de transmission, il n'y a pas de contraintes sociales qui tiennent. Donc c'est véritablement la responsabilité des gens. Donc si on les déresponsabilise à un moment, on ne va pas obtenir leur responsabilisation à un autre moment. Il y a une espèce de logique complète à faire percevoir aux gens qu'ils maîtrisent quand même leur histoire et celle de la transmission. Donc, si vous voulez, l'idée du droit des malades, qui était mon point de départ, était quand même toujours présent, et techniquement, il n'y avait rien contre dans le contrôle de cette épidémie. Hein. Donc, je pense que les personnes, bien sûr, mais la réalité technique de cette épidémie est quand même un élément majeur qui rendait caduques toutes les modèles antérieurs de contrôle des épidémies infectieuses. La santé publique, alors, à vous écouter, c'est éventuellement une somme de santé privée, comme le suggérait Claude Gault, puisque là, ce que vous racontez, y compris dans la démarche privée très intime d'un rapport sexuel, par exemple, où il y a éventuellement des risques de contamination, là, ce qui se joue, c'est d'abord une santé privée, d'abord un geste privé, d'abord une... Oui, si vous voulez, on a tendance en France, parce que d'abord, on a un système de sécurité sociale qui fait qu'on a recours à la médecine plus facilement que dans d'autres pays, on a tendance à confondre protection sociale, médecine et santé publique en France. Je pense que, effectivement, la réflexion sur le sida, et dans laquelle, je pense, aide à une part importante, a effectivement fait transformer la conception de la santé publique. C'est vrai que la formation des médecins en santé publique, c'est une formation administrative. Et que la demande des Français, c'est une demande d'offre de soins. et que nous avons été concernés par d'autres problèmes. Le problème qui était l'accès aux soins. L'offre, c'est une chose, mais l'accès aux soins, c'est une autre. Il y a des barrières psychologiques, il y a des barrières... Mais excusez-moi, la santé publique, c'est un mot que vous aimez bien ? Si vous voulez, c'est un mot polémique. Et tout à l'heure, Hélène Rosser a employé le mot santé communautaire auquel nous avons effectivement beaucoup recouru. Et je voudrais dire justement deux choses là-dessus. En France, la conception de la santé publique, j'évoquais tout à l'heure ce titre de presse, une conception déjà un petit peu excluante, et deuxièmement une conception administrative. Oui, parce que là, ça sous-entendait que la santé publique, c'était la santé qui touchait tout le monde. Oui. Ou la majorité, c'est plutôt. C'est ça. Et puis en plus, ça, la implique, normalité. Ça implique souvent des mesures coercitives. Ça implique justement une médecine administrative, des dépistage à telle date ou dépistage obligatoire, comme on faisait le dépistage à la tuberculose périodiquement dans les lycées, dans les entreprises. Bon, si vous voulez, une espèce de mesure réglementaire administrative. Or, effectivement, c'était contre ça qu'il fallait mobiliser les gens. Alors, nous avons trouvé très tôt au Canada, enfin très tôt, en 89, justement, lorsque, au moment de cette conférence mondiale de Montréal, où j'ai parlé du malade réformateur social, nous avons découvert ce concept de santé communautaire qui était un concept canadien qui avait été développé comme critique de la conception administrative de la santé publique. Puis ensuite, ils ont repris le mot santé publique pour critiquer la santé communautaire. Dans la même chose, le santé communautaire au Canada, c'est complexe, ça veut dire aussi la mobilisation de toutes sortes de communautés, soignantes ou de populations. La notion de santé communautaire, pour nous, nous l'avons importé en France dans notre discours, et vous avez entendu Hélène Rosser tout à l'heure, qui est un vrai médecin de santé publique, mais qui sait bien ce que signifie pour nous maintenant la santé communautaire, ça veut dire la mobilisation des populations autour de leurs enjeux de santé. Et trouver des stratégies, trouver les services adéquats. Si vous voulez, quand on modifie les horaires de consultation, quand on modifie la distribution des soins, quand on modifie où sont accessibles les médicaments, tout ça, c'est effectivement adapter les structures aux besoins des gens. On va voir maintenant avec Christian Saoud, qui est l'actuel président de AIDE, qui vous a pas succédé parce que il y a eu Arnaud Marty-Lavoiselle, qui lui va un petit peu, on l'a interrogé sur la situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, y compris en termes de santé publique. Aujourd'hui, avec les traitements, les personnes retrouvent des perspectives de vie, de mobilité, de participation à la vie active qui les amènent à formuler la question du retour à l'emploi. Les trois quarts d'entre eux le disent. Et je crois que notre travail aujourd'hui, c'est de mener un certain nombre d'opérations qui leur permettent de se positionner sur ce chemin du retour au travail. C'est ce qu'on a fait avec ce que l'on appelle les expériences d'immersion en milieu professionnel. On sait très bien qu'après 4 ans de travail, c'est pas la peine de donner à une personne un stage classique de réinsertion professionnelle. Il faut évidemment des solutions adaptées. On est en train de les construire parce qu'il n'y a rien. Et nous protestons parce que ça ne va pas assez vite. Et nous demandons de l'argent pour construire ces solutions et qu'elles soient généralisées, soit par le biais de textes réglementaires ou de lois, soit par la dévolution de sommes significatives pour ces actions-là, qui sont tout à fait originales. Une fois de plus, le SIDA montre qu'il est capable, là, quand on veut bien s'investir et qu'on veut bien construire et proposer, d'initier des choses nouvelles qui bénéficieront sans doute encore à d'autres. Les urgences, ce sont lesquelles ? C'est, comme vous dites, des urgences autour de l'insertion, de l'intégration de la vie sociale, ou elles restent aussi des urgences en termes thérapeutiques et en termes de réponses communautaires ? Bon, dans mon esprit, ce sont d'abord des urgences thérapeutiques, sûrement, même si ça concerne aujourd'hui une part réduite du nombre de personnes qui vivent avec les traitements, mais il y a 8% de personnes qui sont dans des difficultés thérapeutiques certaines, et je crois que c'est encore une conscience qui doit être forte et fortement présente dans nos esprits de la nécessité d'avancer sur le terrain des traitements, et que là, il y a des choses qui ne se font pas. Oui, il y a un désengagement des laboratoires qui font moins, et qu'il faut que ça soit corrigé, il faut que on le sait bien, et puis quelles sont les perspectives de vie aussi avec ces traitements pendant 15 ans, 20 ans, dans quel état les personnes vont-elles se trouver. Il y a encore des urgences thérapeutiques, bien entendu, elles sont sans doute les premières. Il ne faut pas pour autant ne pas regarder les urgences de réinsertion professionnelle qui sont aussi très fortes, et puis la prévention qui est le troisième domaine sur lequel nous devons agir de manière tout à fait dynamique et puissante. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on fait un certain nombre de choses sur le terrain. On en fait sans doute à la mesure de ce qu'est AIDE aujourd'hui, c'est-à-dire 1600 volontaires et 400 salariés, et on est plus sans doute en matière de prévention sur le versant protestation. parce que je crois que c'est le rôle de l'État que de faire des grandes campagnes de prévention. C'est son rôle de... Il a les moyens pour le faire, il a la puissance financière pour le faire, il a la surface politique pour le faire. C'est son rôle, c'est sa mission que de prévenir. Il le fait d'ailleurs dans d'autres domaines, et il ne le fait pas en matière de prévention. C'est tout à fait inexplicable et tout à fait inadmissible. D'un point de vue plus personnel, comment vous arrivez ou vous vous engagez dans AIDS? Puisque... C'est d'ailleurs à quelle époque? C'est en 1995, c'est assez récent. C'est assez récent, c'est, je suis sans doute un président paradoxal peut-être à AIDS, d'être quelqu'un arrivé en 1995 et pas du tout quelqu'un de la première génération des militants de la lutte contre le sida. Et pourquoi vous arrivez à AIDS? Mais je crois que j'arrive comme ça parce que la volonté de s'engager, de faire un certain nombre de choses, d'avoir rencontré le sida sur mon chemin, ça fait que je m'engage. Voilà, je crois que c'est la volonté d'abord sans doute citoyenne de s'engager qui me mobilise. Et comment vous percevez alors quand vous arrivez en 95 à AIDS, comment vous percevez cette association? Bah, je l'aperçois d'abord de province, puisque c'est en région, dans un comité en Auvergne que moi je suis arrivé, donc c'était une toute petite entité, hein, c'était vraiment, je crois, une poignée de volontaires, 40-50 personnes, pas plus, et je le découvre d'abord du terrain. Je le découvre d'abord de là, avant d'embrasser les grands débats que sont la question des droits des personnes, que sont la reconnaissance des personnes, que sont les... perspective internationale, etc. Donc c'est d'abord une question de proximité qui me motive et qui me mobilise, et autour de la prévention. Et alors, vous vous sentez très différent, ou en tout cas, y compris dans votre fonction, des deux précédents présidents, en particulier de Daniel Defferre, ou bien c'est vous avez la même fonction, la même place? Oh, sans doute pas. Sans doute pas, parce que les choses changent et il serait, à mon avis, stupide que les présidents de AIDS ou les présidentes qui se succèdent se ressemblent. Ça n'aurait pas d'intérêt. Je crois qu'on est toujours élu, à tort ou à raison, mais on est toujours bien élu. En tout cas, on est élu parce que les gens ont choisi de vous désigner. Et qu'à un moment donné, sans doute, Daniel était là pour poser les fondements de AIDS et il a magistralement incarné, je crois. Et que Arnaud a correspondu sans doute à une seconde période qui était celle de la prise de parole des personnes touchées sur elles-mêmes, pour elles-mêmes, pour la société. Et que sans doute, moi j'arrive à une période différente, qu'on puisse peut-être encore bien la lire, mais on pourra, avec un peu de recul, essayer de dire qu'est-ce que j'ai tenté de porter. Mais pour l'instant, je crois qu'on travaille à construire et à rassurer un certain nombre de fondements de AIDS. Je crois qu'on est dans une période sans doute différente. Daniel me le dit parfois, que je préside sans doute dans une période compliquée et difficile où à la fois nous n'avons sans doute beaucoup moins d'argent et sans doute la conscience publique est moins aiguë sur cette question. Est-ce que aujourd'hui Daniel Defferre a un rôle toujours important ou bien non, c'est fini, c'est une autre histoire? Oh non, je crois que son rôle est toujours important. Il est le fondateur de AIDS. Et il pose aujourd'hui une question fondamentale, sans doute pas dans AIDS, mais en lisière, autour de la mémoire. Et que je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que nos sociétés sont oublieuses et que de ce point de vue-là, s'il y a quelque chose que nous voulons persister à changer et à changer jusqu'au bout, ce sera sans doute de faire mémoire. Je crois que c'est quelque chose de très, très important. Je ne dis pas ça pour renvoyer Daniel dans un passé et que je ne souhaite plus le voir, mais je crois qu'il a fait ce choix-là. Et je le comprends intellectuellement et je le partage personnellement et en toute amitié avec lui. Je crois que c'est très important. Sans doute, nous-mêmes, dans l'action, serions mal placés pour ordonner la mémoire, pour lui donner sa cohérence et la mettre en valeur. Je trouve que c'est bien qu'il le fasse. Mais ça veut dire quoi, faire le choix de la mémoire? C'est-à-dire restituer une histoire qui, par la force du déroulement du présent, s'efface peu à peu? Non, je crois pas qu'il s'agit pas d'aller chercher un passé pour le réinjecter dans un présent pour dire que la question est toujours actuelle. Je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est prendre date, c'est raconter ce qui s'est passé, c'est montrer à la fois les histoires personnelles, mais aussi les conséquences que ça a eues en termes de modification du cours des choses dans notre société. Je crois que c'est ça qui est important. C'est à la fois donner une place aux hommes et aux femmes en restituant leur mémoire, mais c'est aussi faire une œuvre politique, entre guillemets, sans prétention, de science politique, qui est de montrer comment quand une question de santé publique est prise à bras le corps par les hommes et les femmes qui sont concernés, on arrive à changer les choses. Ne pas savoir aujourd'hui, c'est être coupable. Et aujourd'hui, on nous rejoue un scénario qui a déjà eu ses conséquences ravageuses et dramatiques sur nos concitoyens. On voudrait ne pas savoir ce qui se passe en matière d'épidémie à VIH. C'est profondément coupable. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir sortir cette déclaration obligatoire de séropositivité des oubliettes où on voudrait la cantonner. Mais je trouve que le sort qui nous est fait, l'espèce d'ignorance, n'est pas bonne. N'est pas bonne parce que on va sans doute se réveiller avec la gueule de bois. Daniel Defer, vous avez dit quand vous avez créé, et d'ailleurs vous l'avez toujours répété ensuite, que c'était en mémoire, en témoignage à votre compagnon Michel Foucault, que c'était, pour reprendre cette expression qui n'est pas très jolie mais qui est malheureusement pratique, un travail de deuil. Il est fini ce travail de deuil ? Oui, alors premièrement, c'était pas qu'un travail de deuil. Ça a été quand même un travail de deuil, mais un travail de deuil, c'est pas... C'est constructif aussi. Enfin, c'est pas un travail de deuil, c'est pas faire un monument, c'est faire quelque chose. La mémoire de quelqu'un d'actif. Hein, j'ai hésité entre deux noms à propos de Aide. Il y avait Antinous, vous savez, c'était Antinous. Vous savez, c'était l'amant d'Adrien, qui était un beau jeune homme, je crois. Antinous et Adrien, l'empereur romain, en avait fait un dieu. Et j'avais trouvé que ce serait joli. Simplement, Antinous, c'était pas tout à fait l'image qui convenait à la mémoire de Foucault, quand même. Et Aide, qui était l'inversion d'une maladie en AIDS, qui est le mot anglais, ouais. Transformer le mot en solidarité. Le Aide en français veut dire solidarité. Solidarité, hein, ça ne veut pas dire si là. Donc c'était quand même une transformation, c'était donc, vous voyez, pas un monument, mais une transformation. Justement, tout à l'heure, Christian Saoud disait que j'étais engagé dans un travail de mémoire, je voudrais rectifier quand même et rendre à César ce qui est à César pour rester dans les empereurs. C'est Philippe Artière qui a fondé SIDA Mémoire. Alors je soutiens ce mouvement tout à fait parce que je, quand même, c'est vrai que je tiens toujours, vous savez ce que disait Mao, les masses font l'histoire, mais ce n'est pas elles qui l'écrivent et il vaut mieux que ce soit ceux qui la font qui l'écrivent. En partie, ils ne sont pas objectifs bien sûr, mais enfin il faut en garder quand même les archives. Donc je suis associé à ce travail, mais je suis également extrêmement sensible à une autre perspective que coordonne également un ancien président du comité d'aide de Île-de-France, qui est Pierre Lascoum, le travail du CIS. Ouais, le comité interusager de la santé. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la logique du réformateur social, du malade réformateur social, c'est-à-dire que quand même les grandes pathologies chroniques ou les associations qui s'occupent de handicap sont en train de s'inspirer du modèle que Aide a promu et de la place du malade dans la définition des objectifs que le monde médical doit avoir. Hein, et là, il y a une coordination. Il y a les états généraux de la santé, vous attendiez à ça ? C'est-à-dire que, parce qu'il y a, on est dans un moment toujours assez particulier et assez frustrant, où d'un côté, on peut avoir l'impression que le mouvement associatif de lutte contre le sida a bien du mal, et de l'autre côté, un constat que l'on fait tous, c'est-à-dire qu'il s'est énormément diffusé. Oui. Alors ça, c'est quand même ce qui est normal. Quelque chose qui n'est pas récupérable et quelque chose qui est échoué. Enfin, vous savez, autrefois, il y avait comme ça. Ah, c'est récupéré. Ben, si c'est mauvais, c'est pas récupérable. Mais en général, quelque chose de bien, c'est récupérable. Alors, en général, quand on récupère, on transforme. Il faut contrôler. Mais si, quand on a déclaré d'emblée, dès notre première conférence publique, que le sida est une priorité de santé publique, on s'est quand même situé dans un horizon de politique de santé et non pas simplement comme l'ont fait les Américains. C'est très drôle parce qu'on nous l'a reproché de ne pas l'avoir fait, les Américains ont regretté de l'avoir fait. Les Américains ont fait du sida une crise de la sexualité. Hein, c'est très clair. Quand on regarde tout ce qui est fait, bon, mais ça c'est lié à la société américaine, mais ils en ont fait véritablement une crise de la sexualité et beaucoup de penseurs du sida aux États-Unis ont dit oh, nous avons fait une erreur d'en faire une crise de la sexualité. Et en même temps, il y a des anglo-saxons qui ont dit oui, mais les Français, et notamment Aide, pourquoi ils n'en ont pas fait une crise de la sexualité, une crise de la sexualité homosexuelle, et pourquoi ils en ont fait une crise de la santé. Bon, mais c'est précisément parce que nous avions fait ce choix-là que je crois que nous avons eu cette surface politique qu'évoquait tout à l'heure Hélène Rosser, et c'était quand même un des objectifs, parce que la surface politique, c'est pas simplement l'image de gens qui sont couchés c'est dans la rue. C'est un mouvement politique. C'est agir sur la réponse politique. Or, je pense que nous avons agi sur la réponse politique. Il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises, qui sont quand même et qui ont été dont Aide a été le laboratoire. Et l'action n'est pas finie. Et l'action n'est pas finie parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir actuellement. Vous avez tout à l'heure, et Christian a parlé des urgences. On parle justement des réponses institutionnelles. Les urgences, c'est les réponses institutionnelles. C'est les thérapies, les traitements, les hôpitaux, la médecine de ville, le retour au travail. Mais la maladie est toujours vécue au quotidien par les gens qui en sont atteints. Et cette réponse, ils ne la trouvent pas au quotidien dans les institutions. Il y a toujours des dimensions d'autosupport, des dimensions de soutien qui sont toujours actuelles. Et il y a toujours un drame vécu au quotidien par les gens atteints. Et là, je crois qu'il y a une réponse de type associatif qui est toujours nécessaire. En tout cas, on en a le témoignage quotidien. Daniel Defer, il y a toujours une parole muette à révéler. Oui, il y a toujours une souffrance muette aussi. Daniel Defer, merci. Merci à vous, j'espère avoir une cassette parce que j'ai bu du petit lait dans cette émission en écoutant tous vos autres invités. C'était Continent Science avec à la technique Claude Courteau, à la réalisation François Connac. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 mai 2000 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. I was sitting in the park one day, happy as a lark. I heard a lady say, on a bright sunny day, America, can't you see what you done to my only son, my only son, my only son, can't you see what you done to my America, lady, say, I gave you my only son. Yeah. Right away you send the boy off, yes you sure did, Lord, to fight over in Vietnam. Lord, he was a real good soldier, oh Lord, and he really tried to do his part. I was so proud of the boy when you gave him the medal you call the Purple Heart. But I didn't know when you sent the boy off to serve this country that you would send my son back to me, a stone junkie. Well, I get to see what you done to my only son, only son, only son. Now can't you see what you done to my only son while he was fighting? Watched him the other day, took some money from my purse. That's when I knew the boy had it, oh Lord, had gotten a little bit of worse. Yes, I did. To protect this country, I think that's what a hell of a price to pay, oh Lord. When you let the boy reel in on me, you let the pusher get away. You're damn right. But like both mothers love my child. I get on my knees and pray, oh Lord. My son died from an overdose just yesterday. Help me sing it now, can't you see what you done done to my only son? See what you done done to my only son. While he was fighting in your war, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. While he was fighting in your war, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. While he was fighting in your war, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. While he was fighting in your war.